Chapitre 3e. Quand le chevalier ouvrit la porte, 4 à 5 hommes, d'un aspect repoussant, se précipitèrent brusquement dans sa demeure. Leur chef salua profondément. « C'est à monsieur le chevalier de Menneville que j'ai l'honneur de parler. » demanda-t-il d'un ton doucereux. « Oui, » répondit le gentilhomme en toisant ce personnage avec dégoût. « Alors, monsieur, » reprit l'huissier en lui présentant un papier, « j'ai le regret de vous signifier d'avoir avidé cette maison dans les 24 heures. Elle vient d'être vendue aux enchères au sieur Simon, dit Rognoliard, pour le prix de... »« Vendue ?» répéta Menneville en chancelant. « Vendue ? La maison où je suis né ?»« Ce n'est pas tout. J'ai le regret d'annoncer à monsieur le chevalier que moi, Anselme Rondeau, huissier audiencier près le tribunal civil d'Orléans, je suis chargé de réclamer la somme portée aux pièces que voici, payable sur le champ entre mes mains, en francs et centimes, à la requête du même, à défaut de quoi je vais procéder immédiatement à la saisie des meubles appartenant à monsieur le chevalier. « Entrez, » dit le malheureux propriétaire. « J'ai le regret, » Menneville fit un geste menaçant, rempli de haine et de colère. L'huissier s'arrêta au milieu de sa formule ordinaire de politesse, et ordonnant au recors de le suivre, il accompagna le chevalier à la chambre où étaient la mère et la fille. À la vue de cette sinistre compagnie, les pauvres créatures se jetèrent dans les bras l'une de l'autre en silence. Menneville se laissa tomber sur un siège et se couvrit le visage de ses deux mains. « J'ai le regret de vous déranger, mesdames, » dit l'huissier timidement, car il se souvenait de la manière peu encourageante avec laquelle Menneville l'avait reçu. « Mais, » ajouta-t-il en promenant autour de lui un de ses regards qui valent un inventaire écrit et paraphé, « nous ne nous importunerons pas longtemps. » Et il dit tout bas, à l'un de ses recors, et il n'y aura même pas de quoi payer les frais. « Le vieux Rognoliard a l'air un bon, » répliqua l'autre avec un sourire bête et méchant. « Allons toujours. » Un clerc s'assit devant le guéridon, étala son papier, et on commença la saisie des objets de ménage que la misère avait encore laissés à cette infortunée famille. On eut bientôt fini. L'huissier jeta un coup d'œil de convoitise sur ce lit de douleur que la loi lui interdisait de prendre, puis il ouvrit une porte voisine donnant dans la petite chambre d'Octavie. L'enfant tressaillit, en voyant ces hommes ignobles pénétrer dans ce sanctuaire virginal et porter leurs mains grossières sur ce qui lui appartenait. « Écrivez, » reprit l'huissier en s'approchant du scribe. « Item, une robe blanche garnie de Valenciennes. »« La robe de première communion de ma fille, » s'écria douloureusement Madame de Melville. « Sa robe des jours de fête, ne la touchez pas, messieurs, c'est une profanation. »« Madame, » répondit l'huissier avec sa politesse doucereuse, « l'article 592 du Code de procédure civile dit qu'on ne laissera aux saisis que les habits dont il est vêtu et couvert. »« Et j'ai le regret, monsieur le chevalier, » s'écria la malade en retombant sur son lit. « C'est à vous de défendre le chaste vêtement de votre fille chérie. » Le chevalier se redressa. Une vive indignation brillait sur son visage. Puis tout à coup une pensée secrète sembla refouler cette colère. Son bras déjà levé se baissa. Sa bouche ouverte pour menacer se referma sans proférer une parole. Sa tête retomba lentement sur son sein. Quand tout fut inventorié dans les deux pièces, Rondeau promena encore autour de lui son regard de furet pour s'assurer qu'il n'avait rien oublié. Tout à coup, il fit un saut de joie. Un portrait en médaillon, enrichi de perles et de pierres fines, était suspendu à la cheminée. Madame de Menneville et Octavie poussèrent un sourd gémissement. « Item, un portrait orné de pierreries. « Monsieur, monsieur !» s'écria la malade. « Au nom du ciel, laissez-moi ce bijou, ce portrait, celui de mon père, qui me l'a légué en mourant. » Rondeau, sans s'émouvoir, continua de dicter. « 18 perles, 3 brillants d'un poids approximatif de... »« Oh, monsieur !» dit Octavie, presque au genou de l'huissier. « Je vous en supplie, n'enlevez pas à ma mère ce bijou qui lui est si cher. »« D'un poids approximatif de 20 grains, » continua Rondeau, sans faire attention aux prières de la jeune fille. « Plus un rubis. » « Mon Dieu ! Qui nous protégera ?» s'écria Octavie en levant les mains vers le ciel. Son père bondit convulsivement sur son siège. Une légère écume souillait les coins de sa bouche. Ses dents étaient serrées. Il se leva et s'empara du portrait. « Ce qu'il vous faut à vous, » dit-il à Rondeau, « c'est l'or et les diamants, n'est-ce pas ? Prenez le médaillon et laissez la peinture. »« Non pas, non pas, » répondit l'impitoyable vieillard. « Ce portrait m'a paru peint par un grand maître. » Il a valeur intrinsèque que je ne puis abandonner. Gardez donc tout, dit Menneville d'une voix étouffée en allant se rasseoir. Les deux femmes, connaissant le caractère fier et irritable du chevalier, ne savait que penser de cette morne apathie. Il y avait dans l'expression de ses traits un bizarre mélange de colère concentrée et de terreur profonde. Il observait les mouvements des gens de justice. Il étudiait avec anxiété l'impassibilité de leur visage. Parfois seulement, on voyait ses mains se crisper dans des transports terribles mais silencieux. Enfin, quand il ne resta plus rien dont l'huissier rapace put faire sa proie, il se leva et dit flegmatiquement au scribe « Prenez votre plume et votre papier. Nous allons maintenant visiter les greniers, le jardin et surtout la volière, où nous devons, m'a-t-on dit, trouver des oiseaux précieux. » Ce fut alors qu'on put comprendre la cause des angoisses du chevalier. À ce mot de volière, il s'élança vers la porte de la chambre comme pour empêcher de sortir les gens de justice. « Mes oiseaux ! » s'écria-t-il d'une voix retentissante. « Ah, vous voulez encore mes oiseaux, misérables ? On vous a signalé ma volière, infâme brigand, monsieur le chevalier. Ah, vous voulez mes oiseaux ? » répéta le gentilhomme hors de lui. « Mais savez-vous qu'ils font ma joie, ma consolation, qu'ils sont mes seules distractions, mes seuls plaisirs, que pour eux je suis exposé aux affreuses disgrâces qui m'accablent aujourd'hui ?»« Monsieur, » reprit l'huissier en s'inclinant, « je suis fâché d'agir si rigoureusement avec vous, mais les ordres express du créancier... »« Ce n'est donc pas assez, » s'écria le chevalier, « que je vous ai laissé prendre tout ce qui reste dans cette maison, que je sois demeuré calme, impossible, quand vous ravissiez le vêtement sacré de ma fille, le portrait si cher à ma femme mourante. Ce n'est donc pas assez que j'ai comprimé ma colère quand elle m'appelait toutes les deux à leur secours. Il vous faut encore mes oiseaux, mes chers oiseaux. Oh non, vous ne me les enlèverez pas tant que je serai vivant pour les défendre. » « La résistance est inutile, monsieur, » reprit Rondeau en répétant ses salutations avec son imperturbable sang-froid. « Vous ne voudriez pas nous forcer à employer les moyens de rigueur. Je vous prie de réfléchir. » « Réfléchir ? Quand vous menacez de saisir ma volière ? Oh, prenez-y garde, je périrai plutôt, je vous exterminerai tous !» Rondeau fit un signe. Deux recors vigoureux s'emparèrent de Mainville, le tinrent en respect pendant que les autres sortaient. Puis ils le lâchèrent en ricanant, et coururent tous ensemble au jardin. Le chevalier saisit une épée suspendue à la muraille, la tira du fourreau et se prépara à les poursuivre. Octavie l'arrêta par ses vêtements et se traîna à ses genoux. « Laissez-moi, mademoiselle, » dit-il d'un ton farouche. Madame de Mainville tendit vers lui ses deux mains jointes, lui adressa les plus touchantes instances. « Laissez-moi, mille démons !» Et il s'élança vers l'escalier. On n'eût pu savoir à quels excès il se fût porté si une autre voix ne s'était fait entendre derrière lui. Malgré son irritation, il tourna la tête. Le vieux curé accourait de toute la vitesse de ses jambes appesanties par l'âge. En reconnaissant cet homme vénérable, revêtu d'un caractère sacré, il commença à rougir de son emportement et ralentit son pas. « Monsieur de Mainville, » s'écria-t-il avec autorité, « qu'allez-vous faire ? Pourquoi cette épée nue ? Malheureux, vous voulez répandre du sang ?» Le chevalier ne répliqua pas un mot et se laissa désarmer sans résistance. Ses yeux se remplirent de larmes. Le prêtre ajouta vivement, « J'apporte de grandes nouvelles, mais je vous en supplie, soyez calme et laissez-moi faire. » Il s'approcha de la volière. L'huissier dictait de sa voix monotone. « Item, un oiseau qui a une collerette de plumes orangées, maillée de noir. « Mon faisan doré !» murmura le chevalier en sanglotant. « Messieurs, » dit le curé avec fermeté, « il est inutile d'aller plus loin. Je vous invite à cesser sur le champ la saisie et à vider la maison au plus tôt. Nous n'avons d'ordre à recevoir que de M. Simon, dit Rognoliard, le poursuivant, » répondit Rondeau. « M. Simon ne vous donnera plus d'ordre, maître Rondeau, il vient de mourir. » Son fils et son héritier vous ordonnent de laisser en paix ce brave gentilhomme. « Mais quelle preuve légale ! En voici une !» dit le prêtre en lui présentant un papier. Rondeau y jeta un coup d'œil et dit à ses acolytes « La besogne est finie, enfant. Monsieur Charles Simon ne plaisante pas, et je tiens à conserver sa pratique. » Rondeau s'inclina jusqu'à terre, appela ses acolytes, et tous ensemble décampèrent lestement. Aussitôt qu'ils furent partis, le chevalier s'approcha du curé. « Mon ennemi n'existe donc plus ? » demanda-t-il. « Il vient d'expirer à l'instant, en priant Dieu de lui pardonner ses torts envers vous. Et son fils ? Son fils n'a de plus cher désir que de regagner votre affection. Octavie ! » dit brusquement Mainville en se retournant vers sa fille, qui les écoutait avec une émotion inexprimable. « Tu oublies d'aller rassurer ta mère. » Elle soupira et s'élança vers la maison, légère comme une hirondelle. « Ne conservez aucune inquiétude, monsieur, » reprit le curé. « Charles Simon est propriétaire de cette maison depuis la vente de ce matin. Il vous supplie de l'habiter comme auparavant, et si vous le permettez, aussitôt qu'il aura rendu les derniers devoirs à son père, il viendra vous trouver pour arranger à l'amiable. Et tout cela, parce qu'il aime ma fille, et qu'il veut essayer de la générosité pour m'arracher mon consentement, s'écria Menneville. Monsieur le curé, je n'accepterai aucune grâce du fils comme du père. Cette maison est à lui. Je vais faire mes préparatifs pour la quitter. Vous serez chargé de mes intérêts ici, et j'irai chercher quelque emploi modeste avec lequel je pourrai nourrir ma famille. Toujours cette haine aveugle. Ce matin, monsieur le curé, vous m'avez proposé 500 francs de mon pigeon couronné. J'ai refusé comme un insensé. Maintenant, j'accepte. Faites-moi compter cet argent. Il me servira pour quitter ce malheureux pays et commencer une nouvelle existence. Mais, monsieur, votre femme est dangereusement malade. Des difficultés sans nombre. Je ne veux pas être l'objet de cette race de paysans et d'usuriers. Ils étaient arrivés en face de la cage du pigeon couronné. Menneville poussa un cri. Qu'y a-t-il donc ? Demanda le prêtre. Voyez, le magnifique oiseau était étendu sans mouvement au fond de la volière. Mort ! S'écria le chevalier. Mort de faim ! Mon orgueil, ma fortune, ma dernière ressource !